Mariage pluvieux, mariage heureux. En attendant de mettre cet adage à l'épreuve, Faustine continue à chercher du travail. Le loyer a pris son envol. On est passé de 1 800 à 2 300 francs. Gilles gagne dans les 5 000 francs et Faustine peut espérer 4 000 au mieux les bons mois. Il va falloir suivre. Pour la jeune femme, l'idéal sera de continuer à travailler à domicile. Même si parfois l'immeuble situé sur une colline est plongé dans une telle purée de poids qu'il semble coupé du reste du monde. On n'y voit pas à 2 mètres. Mais elle préfère encore cet isolement à l'obligation de prendre la voiture pour descendre en ville ou à celle de se lever à 6 heures du matin. Adapter ses horaires est un avantage non négligeable. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir se réveiller quand il n'a plus sommeil, quitte à travailler plus tard le soir et à raccourcir sa pause déjeuner? Par chance, la répondante Alia appelle. « J'ai une cliente qui accepte vos conditions. Simplement, il faudra que vous la receviez chez vous pour une première rencontre. » « Oui, bien sûr. » Faustine ouvre la porte à Madeleine 2 jours plus tard. Cette dernière occupe un poste important au Centre international de Lyon, une école de gestion hôtelière. Elle gère toute la littérature pédagogique. Le travail de Faustine consisterait en l'élaboration de fascicules scolaires en anglais et en français. Un travail fastidieux, avec des règles précises et strictes de mise en page. En tout, il y aurait une 20aine de manuels à reprendre. Cela représente plusieurs mois de travail à domicile. Faustine est ravie, elle peut commencer tout de suite. L'alimentaire étant assuré, la jeune femme se concentre sur les préparatifs de son mariage. Monique, une amie alcoolique anonyme, remplacera Sylvie en tant que témoin. Charles et Elise, de vieux amis de Gilles, seront ses témoins à lui. Les parents de Faustine sont conviés au souper, mais pas Stéphane ni son épouse. Au total, on sera une petite dizaine autour de la table. 3 sessions dominicales auront été nécessaires chez les parents de Gilles pour mettre au point les détails. Organiser le jour J avec la cérémonie officielle suivie de l'apéritif et du repas, puis une fête à la maison. Quelques jours plus tard, pour tous les amis AA, avec un buffet entièrement réalisé par Faustine. Puisque cette dernière a invité Stéphane à la seconde agape, maman insiste pour revenir aussi. De son côté, non contente d'offrir le repas au restaurant, belle-maman insiste pour élaborer le bouquet de mariée de sa belle-fille. Bien sûr, elle est de la partie, mais c'est gentil quand même. Faustine est très heureuse. Ce sera une vraie cérémonie de mariage. Quelle différence avec le premier! Le 23 octobre 1992, il pleut des cordes. Et c'est parti pour durer. Faustine est en effervescence. Son manteau n'est pas imperméable. Ça va être gai. En plus, juchée sur ses talons de 16 cm, elle sera sérieusement en danger sur les pavés mouillés de la place de la Palue. Mais elle n'a pas le temps de s'inquiéter bien longtemps, car on sonne à la porte. Un livreur apporte des fleurs pour les époux. « Je vous pose ça où ?»« Où vous voulez, il y a de la place. »« D'accord. Ne fermez pas la porte, je vous apporte le reste. »« Parce qu'il y en a encore. »« Oui, ma camionnette est à moitié pleine pour vous. »« Ça alors ?»« Ça vient d'où ?»« D'un peu partout. »« Même des USA. »« Mais par Interflorée, j'espère. »« Bien sûr, pas par bateau, se moque gentiment l'homme. » Il monte alors une immense composition envoyée par Sylvie, ainsi que plusieurs bouquets magnifiques. Heureusement, la plupart sont déjà dans des vases qu'on pourra rendre plus tard. Faustine n'a jamais vu autant de fleurs à la fois. C'est extraordinaire. En moins de 10 minutes, leur appartement est transformé en jardin. La fête est complète. Le bouquet de la mariée, transmis par belle-maman, a été livré en même temps. C'est une ravissante cascade de fleurs bleues et blanches. Il s'accordera à merveille avec son tailleur. À 15 heures, Gilles rentre du travail. Il a pris un congé exceptionnel. Il file sous la douche, puis enfile son beau costume tout neuf. Il ne manque pas de fleurs pour garnir sa boutonnière. Il en choisit une en accord avec le bouquet de Faustine. Ses témoins venus de Genève sont déjà occupés à boire le thé. Il pleut de plus en plus fort et il fait froid. Il ne sera pas possible de descendre jusqu'au centre-ville à pied. Heureusement, le parking n'est pas loin de l'hôtel de ville, devant lequel attendent les familles et les témoins. Seule Myriam est absente. La salle des mariages est superbe, entièrement lambrissée, chaleureuse, spacieuse, mais néanmoins intime. Gilles et Faustine s'asseyent devant le pétabosson, officier d'état civil en vaudois. Celui-ci commence par leur lire le célèbre poème de Charles-Ferdinand Ramus, qui figure sur les trois premières pages du livret de famille. « Viens te mettre à côté de moi sur le banc devant la maison, femme. Il va y avoir 40 ans qu'on est ensemble. Ce soir, et puisqu'il fait si beau, et c'est aussi le soir de notre vie, tu as bien mérité, vois-tu, un petit moment de repos. Voilà que les enfants à 7 heures sont casés. Ils s'en sont allés par le monde. Et de nouveau, on n'est rien que les deux, comme quand on a commencé. Femme, tu te souviens? On n'avait rien pour commencer. Tout était à faire, et on s'y est mis. Mais c'est dur. Il y faut du courage, de la persévérance. Il y faut de l'amour. Et l'amour n'est pas ce qu'on croit quand on commence. Ce n'est pas seulement ces baisers qu'on échange, ces petits mots qu'on se glisse à l'oreille, ou bien de se tenir serrés l'un contre l'autre. Le temps de la vie est long. Le jour des noces n'est qu'un jour. C'est ensuite, tu te rappelles, c'est seulement ensuite qu'a commencé la vie. Il faut faire, c'est défait. Il faut refaire, et c'est défait encore. Les enfants viennent, il faut les nourrir, les habiller, les élever. Ça n'en finit plus. Il arrive aussi qu'ils sont malades. Tu étais debout toute la nuit, et moi je travaillais du matin au soir. Il y a des fois qu'on désespère, et les années se suivent, et on n'avance pas, et il semble souvent qu'on revient en arrière. Tu te souviens, femme, ou quoi? Tous ces soucis, tous ces tracas, seulement tu as été là. On est restés fidèles l'un à l'autre, et ainsi j'ai pu m'appuyer sur toi, et toi, tu t'appuyais sur moi. On a eu la chance d'être ensemble. On s'est mis tous les deux à la tâche, on a duré, on a tenu le coup. Le vrai amour n'est pas ce qu'on croit. Le vrai amour n'est pas d'un jour, mais de toujours. C'est de céder, de se comprendre. Et peu à peu, on voit que tout s'arrange. Les enfants sont devenus grands, ils ont bien tourné, on leur avait donné l'exemple. On a consolidé les assises de la maison. Que toutes les maisons du pays soient solides, et le pays sera solide aussi. C'est pourquoi mets-toi à côté de moi, et puis regarde, car c'est le temps de la récolte, et le temps des engrangements, quand il fait rose comme ce soir, et une poussière rose monte partout entre les arbres. Mets-toi tout contre moi, on ne parlera pas, on n'a plus besoin de rien se dire. On n'a besoin que d'être ensemble, encore une fois, et de laisser venir la nuit dans le contentement de la tâche accomplie. Faustine se retient d'applaudir. Ce poème est superbe. D'aucuns le trouveront paternaliste, mais pas elle, tant elle ressent tout l'amour exprimé par ces quelques phrases. Elle se promet d'arriver au crépuscule de sa vie en étant toujours autant, sinon plus, amoureuse de son mari. Après quelques considérations purement administratives sur le couple et la famille, les promesses d'usage, l'échange des oui et des alliances, le pétabosson déclare Faustine et Gilles unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Ils sont ensuite invités à signer le registre matrimonial. Leurs témoins les imitent, après quoi on se lève pour laisser la place au couple suivant, qui déjà attend derrière la porte. Faustine admire en passant la future mariée. Elle est déguisée en clown. Nez rouge, petit chapeau melon, costume bigarré, maquillage, couette rigolote. Le futur époux et les invités suivent tous à l'avenant. Voilà un cortège original. Plus classique, celui de Faustine et Gilles se fait copieusement arroser de riz par maman et Monique, puis se dirige à pied vers le palace. Sur ses talons hauts, Faustine trébuche tous les 2 mètres et rouspète, s'accrochant au bras de Gilles. Elle aurait bien voulu avoir le temps de les enlever avant de subir une telle épreuve, si au moins elle avait pensé à prendre des chaussures de rechange. Bon gré mal gré, elle godille jusqu'à un canapé dans lequel elle se laisse choir. Le barman n'est pas très content de ne servir que des cocktails sans alcool, exception faite de maman. Mais il fait tout de même bonne figure et va jusqu'à fournir cacahuètes et pistaches. Après cet intermède, Gilles et Faustine rentrent chez eux avec leurs témoins, afin de se reposer avant la soirée au restaurant. Le répondeur, explosant presque sous les messages de félicitations, les occupe un long moment. Dans le restaurant très chic réservé pour la noce, les époux sont assis côte à côte autour d'une table ovale. À cause de cette configuration, Faustine ne peut pas voir ses beaux-parents assis à la gauche de son mari. Elle est contrainte de s'occuper uniquement de ses propres parents installés à sa droite. Les témoins et amis de l'autre côté de la table sont trop éloignés pour permettre une conversation audible. Maman, qui semble avoir devancé l'appel de la bouteille, devient vite insupportable. Elle se met à lancer des piques vipérines à son époux et la situation devient franchement désagréable. Gilles, lui, tourne carrément le dos à Faustine pour converser avec ses parents. Il n'entend rien, ne voit rien. Quant à s'échanger un geste tendre, une œillade complice entre époux, il vaut mieux oublier. Ce n'est pas le genre de la maison, pas plus que de faire l'amour lorsqu'ils sont enfin rentrés et couchés. Mais après tout, qui fait encore l'amour pendant sa nuit de noces? Quant à la lune de miel, elle brille, mais ne dit rien. Il va y avoir du boulot, effectivement, avant de pouvoir se réciter le poème de Ramu. Le samedi suivant, le couple reçoit les amis qu'il n'a pas pu inviter au restaurant, ainsi que papa et maman, dont c'est la seule chance de rencontrer Stéphane et son épouse. Faustine a travaillé toute la semaine d'arrache-pied en cuisine pour préparer un buffet digne de ce nom. Elle a opéré avec méthode et application. Il y a autant de plats salés que sucrés. Des pâtés, des croissants à la viande, des quiches, des tartes, des cakes. Elle espère que tout partira. Stéphane et Marina, le frère et la belle-sœur de Faustine, arrivent parmi les premiers. Maman les suit de près. Dès son arrivée, elle monopolise un coin de la salle à manger, y installe son fils, sa bru et son mari entre deux cendriers et se fait servir. Les parents de Gilles ont promis de faire un saut à la fermeture du magasin. Tous leurs meilleurs amis AA ont répondu présent. Patricia, ancienne collègue de Faustine au Crédit Lyonnais, se pointe avec un carton empli de boîtes de conserve dont elle a pris soin d'ôter toutes les étiquettes. C'est son cadeau de mariage. Une farce qui se fit couramment dans son patelin. Faustine remercie, mais elle apprécie modérément. Elle est trop aux abois financièrement pour se permettre de jouer avec la nourriture. L'assemblée se montre ravie et se gave à merci. Mais se mélange peu. Maman, papa, Stéphane et Marina restent dans leur coin. Les parents de Gilles y tout. Les amis AA squattent le salon, d'autres la chambre d'amis. On évoque la possibilité d'un jeu, mais le couple n'en connaît aucun susceptible de rassembler des gens aussi disparates. Alors, après une ou deux tentatives, ils arrêtent de chercher. Qu'ils se débrouillent entre eux. Des amis repartent, l'estomac plein. D'autres arrivent et prennent leur place. En fin de soirée, ne subsistent que les Peds, ceux qui ne partiront pas tant qu'il restera des bouteilles à vider. Faustine patiente. À quand le moment de rejoindre enfin son lit ?